sont venus de là-bas. Ils étaient peu lorsque nos aïeux les rencontrèrent la première fois. Maintenant ils sont forts et nombreux. Je suis Sitting Bull, je vous le dis en vérité. Hugues, Hugues, mon sang brûle, le tomahawk est déterré. Okay.